Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, alors j'entends bien ta basse. Alors j'entends ta basse. Après, moi, j'ai pas branché ma guitare, je suis en micro pour le moment. Donc, est-ce que tu m'entends quand je parle dans le micro? Là, je cause dans le micro. Tu m'entends? Trop bien, ça marche. Ah, il y a un décalage. Ah, mais attends, c'est parce que j'ai mon téléphone alors. Alors donc du coup comment on fait? Faut qu'on fasse avec téléphone. Ça serait mieux qu'on soit sur le fixe, tu crois pas? Tu te rappelles sur ton fixe, non? Non, je sais pas. Ouais, mais tu dois avoir mon. Ouais. Alors attends, bah moi. Allez. Attends, comment... Il y a un décalage. Normalement, il n'y a pas, justement, ça règle les problèmes de latence, d'après ce que j'ai vu, ce truc-là. Ah ouais, c'est normal, j'ai toujours mon téléphone. Mais en fait, parce que moi, j'ai mis un micro-casque. Après, attends, bouge pas. 2 minutes, hein. Tu m'entends, là? Ouais. Je vais brancher ma gratte. Ouais, je vais enlever ça et je vais brancher ma gratte à la place. Non, je vais chercher, faut que j'aille chercher le câble. Il est en bas. Mmh.